Chapitre 6e, le chevalier de la pierre. Les mois et les années s'écoulaient. Pierrot atteignit un beau jour ses 14 ans. Comme il était grand et robuste, il voulait aller chercher fortune en Angleterre. Il fit ses adieux à madame la baronne et il embrassa les enfants. On lui donna un bagage complet, de l'argent, un cheval et des provisions. Marguerite lui broda un beau mouchoir, comme un gage de son amitié. Jean-Pierre lui souhaita bonne chance et Claudine le pressa dans ses bras en pleurant. « Ne pleurez point, dit Pierrot. Je reviendrai peut-être bientôt riche et grand seigneur. Ne laissez point échapper monsieur le vent ni madame la pluie. Envoyez-les en Angleterre tous les matins. Ils vous rapporteront de mes nouvelles, et je les emploierai utilement au service du duc Guillaume. » Le duc Guillaume adorait sa femme, la princesse Mathilde, qu'il avait laissée à Caen. Toutes les semaines, il lui envoyait un express. Mais comme 8 jours s'étaient écoulés avant le retour du courrier, il n'avait jamais de nouvelles fraîches. Pierrot alla trouver ce grand prince et se jetant à ses pieds. « Monseigneur, j'ai mes ordres à un courrier bien plus habile que les vôtres. Si vous voulez vous servir de moi, je vous ferai savoir jour par jour ce qui se passe à Caen dans votre palais. » Le prince voulut bien essayer les services de Pierrot. Dès le lendemain, M. Levent accourut à la même heure que la veille. Pierrot l'expédia aussitôt à Caen et au bout d'un moment, il sut tout ce qu'avait fait la duchesse dans la matinée. Il emporta le détail au duc Guillaume, qui fut bien étonné lorsque les lettres et les courriers vinrent confirmer plus tard ce qu'avait dit Pierrot. Le prince voulut attacher à sa personne un messager si habile et si prompt. Il lui donna un logement dans son château et se servit de lui tous les jours sans se douter des moyens que Pierrot employait. Le duc Guillaume fut enfin couronné roi d'Angleterre et il s'apprêtait à jouir paisiblement de ses conquêtes lorsqu'un courrier tout couvert de poussière entra dans le cabinet du prince. Cet homme annonça que la province de Cornouailles s'était révoltée et qu'une armée innombrable s'avançait pour surprendre la ville de Londres. Le roi fit sonner les trompettes, tous les seigneurs prirent leurs armes et montèrent à cheval. On sortit de la ville et on se rangea en bataille dans une plaine en face des ennemis. Les habitants du pays de Cornouailles étaient les gens féroces, qui poussaient des cris sauvages et voulaient tout égorger. Le grand Guillaume, quoique intrépide, avait de l'inquiétude. Au moment de livrer bataille, il aperçut auprès de lui un cavalier vêtu d'une armure noire et dont la visière était baissée. « Qui êtes-vous » dit-il à ce cavalier, « et pourquoi vous tenez-vous si près de moi ?»« Je suis un serviteur de votre majesté, » répondit le cavalier noir. « Je veille sur votre personne, et je viens vous assurer la victoire. »« Et quels sont ces personnages bizarres que je vois derrière vous ? Quelle est cette grande figure enveloppée d'un manteau flottant ? Et cette femme qui pleure avec une écharpe couleur de l'arc-en-ciel ? L'un est mon écuyer, et l'autre ma servante. C'est à eux que nous devrons tout à l'heure notre salut. » Le roi donna le signal du combat. Les ennemis s'avancèrent en poussant des hurlements épouvantables. Alors le cavalier noir se tourna vers les deux figures qui les suivaient et leur cria « Faites votre devoir !» À l'instant, on vit ces deux étranges personnages s'élever dans les airs à une hauteur prodigieuse. Un vent terrible souffla dans le visage des ennemis, et une pluie battante les mouilla jusqu'aux os sans que l'armée des Normands en fût incommodée. Le désordre se mit dans les rangs des révoltés. Au premier choc, ils furent enfoncés et battus. Au milieu de la mêlée, le roi remarqua le cavalier noir qui frappait les ennemis à grands coups d'épée et qui se comportait en homme de courage. On tua 10 000 des séditieux et le reste prit la fuite. Le roi fit appeler le cavalier noir et lui dit en présence de toute sa cour « Jeune inconnu, c'est à vous que je dois le succès de cette journée. Veuillez maintenant vous découvrir à moi et quelle que soit la faveur que vous puissiez me demander pour un si grand service, je vous l'accorde d'avance. » Alors le cavalier noir leva la visière de son casque et l'on reconnut Pierrot. « Sire, dit-il, je suis votre messager Pierrot. Puisque vous êtes assez bon pour vouloir récompenser mes faibles services, donnez-moi des lettres de noblesse et faites-moi chevalier. » Le roi donna l'accolade à Pierrot et le créa chevalier. En rentrant au château, il écrivit des lettres de noblesse et Pierrot s'appela le chevalier de la pierre. « À présent, sire, dit-il au roi, si votre majesté veut faire de moi le plus heureux des hommes, elle n'a qu'à demander à monsieur le baron, dont je ne suis plus le vassal, de me donner en mariage sa fille Marguerite. Je suis assez riche pour prétendre à une si belle alliance. » Guillaume le Conquérant demanda Marguerite à monsieur le baron et donna encore 100 000 livres à Pierrot pour ses frais de noces. Le chevalier prit congé du roi et retourna dans son pays avec des écuyers et une suite digne de sa nouvelle fortune. La baronne lui accorda la main de Marguerite et on célébra splendidement le mariage au château. Monsieur Levent et madame la pluie voulurent faire leur présent de noces aux jeunes époux. Le chevalier reçut des mains de monsieur Levent un anneau constellé, par la vertu duquel Pierrot trouvait encore sa femme aussi belle au bout de 20 ans que le jour de son mariage. Et Madame Lapluie mit au cou de Marguerite un collier enchanté qui lui fit voir son mari toujours jeune et aimable. Après un cadeau si précieux, on aurait eu mauvaise grâce à retenir prisonniers le vent et la pluie. On leur ouvrit les portes de la ferme et le couvercle de la citerne. Elles retournèrent, l'un sur la montagne du Midi et l'autre dans la grotte de l'Ouest. Cependant, ils avaient si bien pris l'habitude de passer et de repasser la Manche, qu'ils ont encore à présent un goût particulier pour l'Angleterre, quoique le roi Guillaume n'ait plus besoin de leur service. De là vient qu'à Londres on porte des paletots de caoutchouc et qu'un Anglais ne voyage pas sans prendre avec lui son parapluie. Les mariés vécurent heureux, ils s'aimèrent beaucoup et ne se querellèrent qu'une seule fois parce qu'ils avaient oublié ce jour-là de porter l'anneau magique et le collier enchanté. Tous les autres jours, Marguerite fut de bonne humeur et le chevalier amoureux de sa femme. Ils eurent une quantité d'enfants et c'est de là que sort la grande et noble famille des Pierrot de la Pierre, si fameuse en Basse-Bretagne. Ainsi s'achève Monsieur le Vent et Madame la Pluie de Paul de Musset.